au-dessus de nos rêves. L'amour et l'espoir se mélangent, une lueur éphémère et brève, si soudaine et si étrange, au-dessus de nos rêves. Le bonheur et le calme se vengent, un instant de silence et une trêve, au-dessus de nos rêves. Le chant du soleil, le vent qui s'éveille, le temps s'émerveille, les sons de la vie, l'essence de la nuit, un sens à nos cris, des tonnes de merci, des si et des si seulement si, l'effort de survivre, l'envie d'être libre, des milliers de pages dans un livre, au-dessus de nos rêves, au-dessus de nos rêves. L'amour et l'espoir se mélangent, au-dessus de nos rêves, au-dessus de nos rêves. Le bonheur et le calme se vont, au-dessus de nos rêves, au-dessus de nos rêves. L'amour et l'espoir se mélangent, au-dessus de nos rêves, au-dessus de nos rêves. Le bonheur et le calme se vont. Au-dessus de nos rêves, au-delà de nos âmes et nos êtres, le bien enfin s'élève. Mais ça ne se passe que dans ma tête, l'amour de ma vie, les prix de nos fruits, souffrir sans un bruit, sourire à son ange, oublier ce qui nous dérange, ce qui nous démange, s'évanouir trop jeune, apprécier ce que l'on déjeune, l'effort de survivre, l'envie d'être libre. Au-dessus de nos rêves, au-dessus de nos rêves. L'amour et l'espoir se mélangent, au-dessus de nos rêves, au-dessus de nos rêves. Le bonheur et le calme se vont, au-dessus de nos rêves, au-dessus de nos rêves. L'amour et l'espoir se mélangent, au-dessus de nos rêves, au-dessus de nos rêves. Le bonheur et le calme se vendent.